Chapitre 5. Pendant que l'entreprenant Binos et le sagace Piedouche trouvaient, par un de ces hasards qui n'arrivent qu'aux gens habiles, le domicile et le nom de la pauvre morte, le capitaliste Paulet avait d'autres soucis que celui de poursuivre les auteurs du crime de l'omnibus, et cela pour plusieurs raisons, dont la première était qu'il ignorait complètement cette histoire. M. Paulet ne lisait guère que les journaux financiers, et lorsqu'il parcourait les feuilles politiques, il passait dédaigneusement les faits divers. M. Paulet se piquait d'être un homme sérieux, et ne s'intéressait qu'aux choses sérieuses. Il se vantait de n'avoir jamais ouvert un roman, et si depuis quelque temps il se préoccupait des artistes, c'est qu'il avait acquis la certitude qu'à notre époque, le métier de peintre est un des plus lucratifs qui soit, lorsqu'on l'exerce avec succès. Ce n'était pas sans peine qu'il s'était formé cette conviction. Il avait passé sa vie à mépriser les barbouilleurs, comme il disait. Il les prenait pour des meurs de faim, c'était son mot, ou pour des mange-tout destinés à finir sur la paille. Mais un de ses amis l'avait renseigné sur le tard. Cet ami, qui avait fait fortune en vendant des curiosités, des antiquités et même des tableaux, lui avait prouvé par des chiffres et par des exemples que les artistes en vogue gagnent énormément d'argent et que plusieurs deviennent millionnaires. « Ils ne font jamais que des affaires sûres, » disait l'ex-marchand d'objets d'art, « et ils sont certains de ne jamais tomber en faillite. » Ce dernier argument avait beaucoup frappé M. Paulet, qui pour rien au monde n'aurait voulu exposer la fortune de sa fille à disparaître dans un désastre commercial. Or, il avait justement sous la main un peintre d'avenir qui vendait déjà ses toiles fort chères, et qui était en passe de les vendre bientôt encore plus chères, un garçon laborieux, économe et rangé, dont il connaissait les antécédents et la famille, bien tourné, bien élevé et bien posé dans le monde, un vrai phénix des gendres, qui, pour que rien ne lui manquât, plaisait à Marguerite. M. Paulet avait donc jeté son dévolu sur Paul Freneuse et n'attendait pour lui faire des ouvertures directes qu'une occasion qui ne pouvait pas manquer de se présenter prochainement. Peu s'en était fallu qu'au théâtre, pendant qu'on jouait les chevaliers du brouillard, l'entretien ne prit une tournure décisive. Mais cet entretien avait été interrompu par un incident qui, depuis cette représentation troublée, avait fait passer de bien mauvaises nuits au père de la blonde Marguerite. La dépêche qui lui annonçait que son frère venait de mourir en le déshéritant était rédigée dans le style habituel des télégrammes, c'est-à-dire que l'expéditeur avait si bien économisé les mots qu'elle était à peine intelligible. M. Paulet avait télégraphié aussitôt pour demander des explications complémentaires, et son correspondant, qui était le notaire du défunt, lui avait répondu par cette phrase laconique « Je pars demain pour Paris ». Et M. Paulet attendait avec impatience cet honnête notaire, qui avait toujours défendu ses intérêts, et qui, probablement, n'entreprendrait pas sans de graves motifs un si long voyage. Le testateur était décédé à Amélie-les-Bains, une ville d'eau située au pied des Pyrénées orientales, à 250 lieues de la capitale. L'officier ministériel, qui avait recueilli ses volontés dernières, ne se serait certes pas déplacé, s'il ne s'était agi que de remettre au frère déshérité une copie de l'acte qui le dépouillait. Aussi M. Paulet vivait-il depuis 3 jours dans les alternatives d'abattement et d'espérance qui lui semblaient bien pénibles. Il tenait à son repos presque autant qu'à la fortune, et ses incertitudes le troublaient au point de lui faire perdre l'appétit et le sommeil. Sa fille, beaucoup moins agitée que lui, ne le reconnaissait plus. Il était devenu à peu près inabordable. Elle avait essayé de lui rappeler que Paul Freneuse attendait leur visite dans son atelier, et il l'avait fort mal reçu. Il lui avait même déclaré nettement qu'il ne sortirait pas avant de s'être abouché avec le notaire, qui pouvait arriver d'un instant à l'autre. Et Marguerite avait dû renoncer à le persuader. Elle se consolait en essayant des toilettes de deuil qui lui allaient fort bien. M. Paulet ne quittait pas son cabinet. Il y passait son temps à compulser d'anciennes correspondances qu'il avait entretenues avec son frère, avant leur brouille définitive. Il tâchait de découvrir dans ses lettres écrites pendant le séjour de ce frère en Italie quelques indications relatives au mariage qu'il le soupçonnait d'avoir contracté à Rome, et il n'y trouvait rien de positif. La grande question était de savoir si le défunt avait eu là-bas des enfants légitimes ou naturels, et surtout ce que ses enfants étaient devenus. M. Paulet faisait donc faire des recherches qui n'avaient abouti jusqu'alors qu'à des résultats incomplets. Et depuis que son frère était mort, il lui tardait plus que jamais d'éclaircir ces points importants. Le 4e jour, après un déjeuner mélancolique, où Marguerite n'avait pas paru sous prétexte de migraine, le père déshérité venait de s'asseoir devant son bureau, lorsqu'un de ses domestiques vint lui dire qu'un monsieur demandait à lui parler. « Comment s'appelle-t-il, ce monsieur ?» demanda M. Paulet. Et quand il sut que ce visiteur n'avait pas voulu dire son nom, « Je ne reçois pas les gens que je ne connais pas, » reprit-il. « Il annonce qu'il vient entretenir monsieur d'une affaire très importante, » murmura le valet de chambre. « Oh, oh !» pensa M. Paulet, « si c'était le notaire de là-bas. Ces provinciaux ignorent les usages. Celui-là se sera figuré qu'on entre chez moi comme dans son étude. » Et il aura jugé inutile de remettre sa carte. « C'est bien, faites entrer, » dit-il à haute voix. Et il se leva pour recevoir ce personnage si impatiemment attendu. Une minute après, la porte s'ouvrit, et un individu entra qui n'était ni notaire ni provincial, et cela se voyait de reste. « Comment, c'est vous ?» lui dit le capitaliste en fronçant le sourcil. « Je vous avais enjoint de ne revenir qu'au cas où vous m'apporteriez des certitudes au lieu de probabilités vagues. » « Je me suis conformé à vos ordres, monsieur, » répondit le visiteur. « Vous ne m'avez pas vu depuis quelque temps, parce que je n'avais rien de nouveau à vous apprendre. Mais aujourd'hui, j'en ai les mains pleines de certitudes. »« C'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, rappelez-moi donc votre nom, que j'ai complètement oublié, » dit dédaigneusement M. Paulet. « Blanchelaine, monsieur, Auguste Blanchelaine. »« Très bien, je me souviens maintenant. Vous prétendez être agent d'affaires, et vous demeurez du côté du marché Saint-Honoré. » « Rue de la Sourdière, 74. En effet, je dois avoir noté votre adresse quelque part, mais elle m'était sortie de la tête, car tout récemment quelqu'un me l'a demandé, et je n'ai pas pu la donner. Vous feriez bien de me laisser votre carte. Je n'en ai pas sur moi, mais si vous voulez bien m'indiquer l'adresse de la personne qui désire me voir, tout à l'heure, quand vous m'aurez communiqué les nouvelles que vous m'apportez. Et d'abord, j'ai à vous dire que l'autre soir, vous vous êtes permis de me saluer au théâtre, à travers toute la salle, et que je ne vous ai pas autorisé à prendre avec moi de pareilles libertés. Vous ne me les aviez pas interdites. C'est possible, mais je vous prie de ne pas recommencer. Maintenant voyons ce que vous avez à me dire. Où en êtes-vous de vos recherches? Elles sont terminées. Comment cela? J'ai en main la preuve que Bartolomea Astrodi, décédé l'année dernière à Rome, avait eu en 1862 une fille nommée Bianca. En 1862, répéta M. Paulet, dont le visage se rembrunissait à vue d'œil. « Oui, monsieur, le 24 décembre, j'ai pu me procurer une copie de l'acte de baptême. Montrez-la. Je ne l'ai pas sur moi, mais je vous la remettrai quand le moment sera venu. Vous savez du moins ce que contient l'acte? Cette Bartolomea Astrodi était-elle mariée? Non, monsieur. Sa fille Bianca est désignée comme étant née de père inconnu. » « Ah !» souffla M. Paulet, soulagé d'une inquiétude. « Et qu'est devenue cette fille? Elle a disparu sans doute. » C'est-à-dire qu'elle a quitté sa mère, 10 ou 12 ans après sa naissance. Mais sa mère a toujours su où elle était. Au commencement de cet hiver, cette Bianca chantait dans les chœurs au théâtre de la Scala, à Milan. Et elle y est encore? Non, monsieur. Elle est partie pour Paris, il y a un mois. Pour Paris? Qui venait-elle faire? Chercher son père, qui était un Français. Allons donc, s'écria le capitaliste, visiblement troublé. C'est un roman que vous me racontez là. C'est la vérité, monsieur. « Je suis parfaitement renseigné, croyez-le, à de telles enseignes que je puis vous apprendre le nom de ce Français. Il s'appelle Francis Boyer. Il a eu 7 enfants à Rome, où il résidait alors. Il habite maintenant le département des Pyrénées-Orientales. « Ça ne vous regarde pas, » dit brusquement M. Paulet. « Je ne vous avais pas chargé de prendre des informations sur le père. »« Non, mais je ne fais jamais les choses à demi. » En me renseignant sur sa fille, j'ai voulu savoir pourquoi elle avait quitté son pays. Et je l'ai su. « Comment l'avez-vous su ?» « Cela, monsieur, c'est mon secret. Si je révélais à ceux qui m'emploient le mécanisme de ma profession, ils n'auraient plus besoin de moi. »« Je le sais, je le prouverai, et je sais bien d'autres choses encore. »« Que savez-vous donc de plus ?» demanda M. Paulet, en cherchant à prendre un air indifférent. « Monsieur, dit Auguste Blanchelaine, je pourrais me retrancher dans des réticences et me borner à vous rendre compte de la façon dont je m'en suis acquitté de la mission que vous m'aviez confiée. J'ai été chargé de prendre des renseignements sur un enfant » qu'aurait eu, il y a une 20aine d'années, à Rome, une certaine Bartolomea Astrodi. Ces renseignements, je vous les apporte, et je suis en mesure de les appuyer de preuves authentiques. Il ne me resterait donc, si je voulais m'en tenir là, qu'à vous réclamer le prix de mes peines et soins. Je ne refuse pas de vous payer. J'en suis persuadé, mais vous n'appréciez pas mes services à leur véritable valeur. Si je m'en tenais là, et je crois que le moment est venu de jouer avec vous carte sur table, qu'entendez-vous par ces paroles ? « J'entends que je n'ignore pas pourquoi vous avez intérêt à savoir ce qu'est devenue la fille de la nommée Astrodi, qui posait pour les peintres. L'intérêt que j'ai? Mais je n'en ai aucun. » Soyons sérieux, je vous prie. Si vous n'en aviez pas, vous ne m'auriez pas promis un billet de 1 000 francs contre information précise. Eh bien, monsieur, cet intérêt, je me suis permis de le chercher, et je n'ai pas eu beaucoup de peine à le découvrir. Bianca Astrodi, fille de Bartolomea Astrodi, est votre nièce. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas de nièce. Oh, elle n'est votre nièce que de la main gauche. Et de plus, monsieur Francis Boyer, son père, n'est que votre frère utérin. Votre demi-frère, comme on dit vulgairement. Vous n'en êtes pas moins son héritier naturel pour la portion de sa fortune qui lui vient de votre mère. Et cette part vaut bien qu'on y tienne, car elle représente un capital très important. Et quand cela serait, s'écria monsieur Poulet, l'existence de cette fille ne me toucherait guère. Vous venez de me dire vous-même qu'elle n'a pas été reconnue. Donc elle n'a aucun droit à la succession. Aucun droit à le réclamer légalement, non, certes. Mais, monsieur, vous ne l'ignorez pas, les frères ne sont pas des héritiers à réserve. Rien n'empêche monsieur Boyer de laisser son bien au premier venu, ou à la première venue, par exemple à la signora Bianca Astrodi. Il est même fort heureux pour cette demoiselle que monsieur Boyer ne l'ait pas reconnue, car il n'aurait pas pu disposer en sa faveur de la totalité de sa fortune. Ainsi l'a décrété notre code. Si mon frère avait eu l'intention de faire d'une étrangère sa légataire universelle, il se serait inquiété de cette personne, et il n'a jamais cherché à la voir depuis de longues années. Peut-être, il a pu la perdre de vue et cependant ne pas l'oublier. Il aura du moins exprimé le désir de la retrouver. Il aurait, d'une façon quelconque, manifesté ses intentions. Mais il les a manifestées, et ce n'est pas sa faute s'il n'a pas revu sa fille. Vous en savez plus long que moi, à ce qu'il me paraît. Dites avec humeur, monsieur Paulet. Pas plus, mais autant, répondit avec calme le sieur Auguste Blanchelaine. J'ai eu l'honneur de vous dire que j'avais coutume d'élucider à fond les affaires qu'on veut bien me confier. J'ai donc dû me ménager des intelligences dans le pays où s'est fixé monsieur votre frère, peu de temps après son retour en France. J'ai un correspondant à Amélie-les-Bains. Ah, c'est trop fort. Et je m'étonne de votre audace. Vous vous êtes permis de m'espionner et vous osez me le dire en face? Prétendez-vous aussi que je vous paie pour vous être mêlé de ce qui ne vous regardait pas? Je ne prétends rien. Je me borne à vous exposer des faits. C'est-à-dire, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Allez au diable avec vos conséquences, cria M. Paulet, emporté par la colère. Je n'ai que faire de vous maintenant. Mon frère vient de mourir. Je le savais. Vous le saviez? Oui, depuis hier. Et je sais encore qu'il vous a déshérité au profit de Bianca Astrodi. Vous allez peut-être me dire aussi que vous avez vu le testament. Non, et vous ne l'avez pas eu non plus. Mais le notaire qui l'a reçu a dû vous écrire. Vous êtes fixé. Que je le sois ou non, je n'ai plus besoin de vos services. Mes services vous sont au contraire plus nécessaires que jamais. Que donneriez-vous à qui vous apporterait la preuve que Bianca Astrodi est morte? Comment osez-vous dire que cette fille est morte? Vous vous moquez de moi, je pense. Vous présentiez tout à l'heure qu'elle était à Paris. Et, Méricana Blanchelaine, on meurt à Paris comme ailleurs. Et vous avez la preuve du décès? Je l'ai, et je suis prêt à vous la fournir. Pas pour rien, bien entendu. Je serais bien sot de vous la payer, car je n'ai pas besoin de vous pour me la procurer. Essayez. Il me suffira de compulser les registres des actes de l'état civil dans toutes les mairies de Paris. Libre à vous. Les gens qui meurent ne sont pas toujours inscrits sous leur véritable nom. Si cet Astrodi l'a été sous un autre nom que le sien, comment pourrez-vous me fournir un acte de décès qui établisse qu'elle est morte? C'est mon affaire. Et alors même que vous me la fourniriez, à quoi me servirait-il? Si cette Italienne a hérité, ses héritiers à elle hériteront. Assurément. Mais quel jour est décédé M. Francis Boyer? Mercredi à 3 heures. Eh bien, si l'Astrodi était morte mardi, qu'arriverait-il? Ça ne changerait rien à la situation. Je croyais, monsieur, que vous connaissiez mieux votre code. Vous n'allez pas, je suppose, me faire un cours de droit. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Expliquez-vous clairement et finissons-en. Je ne demande pas mieux. Pour hériter de quelqu'un, il faut lui survivre, n'est-ce pas? Sans doute. Donc un testament fait au profit d'un mort est nul, de plein droit. C'est évident, mais... Ce testament devient caduc. C'est le terme consacré. Et alors? Alors c'est comme s'il n'existait pas. La succession revient tout entière aux héritiers naturels. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Absolument sûr. Si vous en doutez, consultez votre notaire, ou votre avoué, ou n'importe quel homme de loi. De sorte que si cette fille est décédée un jour avant mon frère, un jour ou une heure, peu importe. Elle n'a pas pu hériter si elle est morte avant que la succession fût ouverte. C'est uniquement une question de date. et pour la trancher, il suffit de produire les deux actes de décès. Celui de mon frère et celui de cette fille ? Précisément. Vous aurez, quand vous voudrez, si vous ne l'avez déjà, celui de M. Francis Boyer. C'est à vous de voir si vous tenez à vous procurer celui de Bianca Astrodi. Alors vous venez me proposer de me le vendre ? Mon Dieu, oui. Savez-vous, M. Blanchelaine, que vous faites là un singulier commerce ? En ce monde, on fait ce qu'on peut. Si j'étais propriétaire comme vous, je ne m'amuserais pas à être marchand de succession. Mais c'est un métier qui en vaut un autre, et mes clients n'ont jamais eu à se plaindre de moi. Vous-même, monsieur, vous n'aurez qu'à vous en louer si, comme je l'espère, nous parvenons à nous entendre, car vous me devez une belle fortune, et il ne vous en coûtera qu'une somme relativement médiocre. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est vous qui êtes venu me chercher. Pardon ? J'avais entendu parler de vous par un de mes amis, qui m'avait assuré que vous entrepreniez à forfait des recherches sur les personnes et que vous étiez un habile homme. Je vous ai fait venir et je vous ai chargé de prendre des renseignements sur la nommée Bartolomea Astrodi. Mais je ne vous ai pas dit un seul mot qui eût trait à un héritage. Oh, d'accord. Mais il aurait fallu que je fusse bien bête pour ne pas deviner qu'il s'agissait de cela. Aussi ai-je commencé par m'informer des successions que vous pouviez avoir à recueillir éventuellement. Et je n'ai pas eu beaucoup de peine à établir votre situation et celle de votre frère. Si j'avais su que vous procéderiez ainsi, je ne me serais pas adressé à vous. Cela vous plaît à dire maintenant. Vous me permettrez de penser le contraire et de vous remettre en mémoire une conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous. Pas la première, la seconde. Car vous avez bien voulu me recevoir deux fois. Au cours de notre dernière entrevue, comme je vous demandais ce que j'aurais à faire si j'acquérais la certitude que Bartolomea Astrodi avait eu un enfant, vous vous êtes écrié que si cet enfant existait, il serait à souhaiter qu'il mourût. Vous n'allez pas prétendre, j'espère, que je vous ai commandé de le tuer. Fi donc, dit en haussant les épaules le sieur Auguste Blanchelaine. Est-ce qu'un homme comme vous donne de pareilles commissions à un agent qui l'emploie ? Il se borne à exprimer un souhait. Et c'est ce que vous avez fait. Vous m'avez dit, je me rappelle textuellement vos paroles, vous m'avez dit, celui qui m'apprendrait que l'enfant de cette Italienne est mort m'apportera une bonne nouvelle. Je me souviens très bien, aussi, que je vous ai répondu, les bonnes nouvelles se paient très cher. À quoi vous avez répliqué, je ne regarderai pas au prix. Vous avez, monsieur, une mémoire extraordinaire, grommela M. Paulet, visiblement troublé. Et il me paraît qu'avec vous, il faut prendre garde aux expressions qu'on emploie dans la conversation. Il faut prendre garde aussi à ce qu'on m'écrit. Je ne vous cacherai pas que j'ai soigneusement conservé une lettre signée de vous qui contient des instructions détaillées. Au terme de cette lettre, je devais, au cas où Bartolomea Astrodi aurait laissé un enfant, m'informer de ce qu'était devenu cet enfant. Et lorsque je le saurais, faire tout ce qui serait possible pour l'empêcher de venir en France. Vous ajoutiez même que si par hasard il y était venu et qu'il y fût encore, il fallait par n'importe quel moyen l'empêcher d'y rester. Vous entendez ? Par n'importe quel moyen. Je sous-entendais, avouable, dit vivement M. Paulet. Si je n'ai pas ajouté le mot, c'est que cela allait de soi. Les honnêtes gens n'ont jamais recours qu'à ces moyens-là, et je suis un honnête homme. Je n'en doute pas, mais il n'en est pas moins vrai que vous m'avez donné carte blanche pour vous débarrasser d'une personne qui vous gênait. Me débarrasser n'est pas le mot. Vous choisissez singulièrement les termes que vous employez. Je choisis ceux qui rendent le mieux ma pensée. Mais je vous somme de l'expliquer, votre pensée. On dirait, à vous entendre, que vous avez tué cette fille et que vous cherchez à faire de moi votre complice. Vous allez trop loin, ricana Blanchelaine. Je n'ai tué personne. Je vous prie de le croire. J'ai voulu seulement vous montrer que je n'ai pas agi sans ordre et que j'ai travaillé pour votre compte. Du reste, cela tombe sous le sens. Je n'étais pas personnellement intéressé à ce que la fille de Bartolomea Astrodi ait disparu. Disparu. Vous vous plaisez à vous servir de locutions équivoques. En quoi équivoque ? Cette jeune fille est morte. Quand on beurre, on disparaît. Mais enfin, comment est-elle morte ? Si je vous le disais, vous pourriez vous passer de moi. Et c'est ce que je ne veux pas. Je me suis donné assez de peine pour que vous me récompensiez convenablement. Songez donc à tout ce que j'ai fait depuis un mois. J'ai mené deux ou trois enquêtes à la fois, et je les ai menées à bien. Enquête sur Bartolomea, la respectable mère de Bianca. Enquête sur la dite Bianca. Enquête sur M. Francis Boyer, votre demi-frère. Oh, celle-là, je ne vous en sais pas gré, dit entre ses dents M. Paulet. Je n'exige pas de vous de la reconnaissance, répliqua Blanchelaine avec une douceur ironique. je me borne à vous proposer de m'acheter l'acte de décès de Bianca Astrodi. J'entends bien, et toute réflexion faite, je refuse. Libre à vous, cher monsieur. Serait-il indiscret de vous demander de me faire connaître le motif de ce refus? Nullement. Je refuse parce que l'acte m'est tout à fait inutile. Vous voulez dire que vous vous passerez de moi pour vous le procurer? Pas du tout. J'admets au contraire que je ne parviendrai pas sans vous à me le faire délivrer. Je me propose même de ne pas essayer. Alors, vous renoncez à la succession de votre frère? Voilà du désintéressement où je ne m'y connais pas. Pardon, la légataire est morte, n'est-ce pas? Morte et enterrée. Eh bien, elle ne viendra pas réclamer l'héritage. Non, mais si vous réclamez votre part, on ne vous la délivrera pas. Le testament a été remis au président du tribunal de l'arrondissement et je vous réponds que les héritiers naturels ne seront pas envoyés en possession tant que la mort de Bianca Astrodi ne sera pas prouvée par une pièce authentique. On nommera un curateur qui administrera la fortune jusqu'à présentation de la légataire ou de son acte de décès. Et cette fortune se capitalisera indéfiniment, car personne n'en jouira. C'est une consolation, je le sais, mais elle est maigre. Après ça, vous me direz que dans 30 ans d'ici, la prescription vous sera acquise. Non pas à vous, à vos petits-enfants. Car vraisemblablement, vous ne serez plus de ce monde. Et il se pourrait même que mademoiselle votre fille... Assez, s'écria M. Paulet, poussé à bout par ses raisonnements irréfutables. Combien me demandez-vous pour me remettre cet acte? À la bonne heure, s'écria Blanchelaine. Vous devenez raisonnable, et nous allons enfin nous entendre. Car je ne vous poserai que des conditions justes, et mes prétentions sont très modérées. Formulez-les donc, dit M. Paulet avec humeur. Très volontiers. Votre frère laisse à peu près 1 200 000 francs. Beaucoup moins que cela. Je suis certain que je ne me trompe pas de 50 000. Mes renseignements ont été puisés à la bonne source. Dans tous les cas, je n'ai droit qu'à la moitié de cette fortune. Je le sais, l'autre moitié revient aux héritiers du côté paternel, puisque M. Boyer n'était que votre frère de mère. Il y aurait même, soit dit en passant, une affaire à faire avec ces héritiers, qui ont autant d'intérêt que vous à établir que la légataire universelle est morte. Je ne me suis pas occupé d'eux, et je ne m'en occuperai pas. Mais vous pourriez, vous, en traitant avec eux, rentrer dans une partie de vos déboursés, car il serait équitable qu'ils vous remboursassent la moitié de la commission que vous allez me payer. Peut-être, murmura M. Paulet, mais passons. Énoncez un chiffre. Je pourrais exiger le partage égal, mais je me contenterai du cinquième, soit 100 000 francs. Vous voyez que je calcule sur le minimum, car votre frère vous laisse plus près de 600 000 francs que de 500 000. 100 000 francs? Vous avez le front de me demander 100 000 francs? J'aimerais mieux renoncer à tout que de vous les donner. À vous 13, monsieur, répondit froidement Blanchelaine. J'aurais perdu mes peines, mais vous perdrez une fortune. Monsieur Paulet fit un geste de colère et se mit à arpenter à grands pas son cabinet. Je n'ai pas le projet de chercher à vous convaincre que vous avez tort, reprit l'agent. Je vous engage cependant à réfléchir encore avant de prendre une résolution définitive. Car si je sors de votre cabinet sans que nous tombions d'accord, je n'y remettrai plus les pieds. Je vous en préviens. J'aime les affaires qui se décident promptement, et je n'ai pas de temps à perdre. Ce soir, celle dont je me suis occupé pour vous sera rayée de mon répertoire, et vous me rappelleriez demain que je ne me dérangerai pas. Mais enfin, monsieur, dit en s'arrêtant brusquement dans sa promenade le père de Marguerite, vous n'avez pas, je suppose, la prétention de toucher 100 000 francs aujourd'hui. Non, car je n'ai pas sur moi la copie de l'acte de décès. Donne en donnant. Vous me les remettrez quand je vous apporterai. Ou plutôt, vous allez voir à quel point je suis loyal, quand vous serez entré en possession de votre héritage. Sur cette base, nous pourrions nous entendre si... Mais je veux un engagement écrit. Comment? Vous vous défiez de moi? En aucune façon. Mais les affaires sont les affaires. On ne sait ni qui vit, ni qui meurt. Si par hasard vous veniez à manquer avant que tout fût réglé, j'aurais très mauvaise grâce à réclamer de Mademoiselle Paulet l'exécution d'un traité qu'elle n'aurait pas conclu. Encore faudrait-il que je connusse la forme que vous entendez donner à ce traité, puisque vous qualifiez ainsi une convention en dehors de tous les usages. Il me suffit qu'elle ne soit pas entachée d'illégalité. Vous reconnaîtrez tout simplement par un acte sur papier timbré qu'en rémunération de démarches entreprises par votre ordre, vous me devez la somme de 100 000 francs. Payable le jour où vous toucherez la part qui vous revient dans la succession de votre frère. Il n'y a là rien d'immoral. Les tribunaux sanctionnent bien les engagements contractés avec les agences matrimoniales. « D'ailleurs, si je signe, je ne vous ferai pas de procès, » murmura M. Paulet. « Est-ce tout ?»« Mon Dieu, oui. Sauf une condition que vous accepterez, je n'en doute pas, et pour laquelle je me contenterai d'une promesse verbale. De quoi s'agit-il encore ?»« Je vous demanderai de me donner votre parole d'honneur, de ne parler à qui que ce soit de nos arrangements. »« Oh, si ce n'est que cela, je n'ai nulle envie de m'en vanter. » Sans vous en vanter, vous pourriez en entretenir quelqu'un de vos amis, par exemple celui qui vous a demandé mon adresse. La personne qui m'a demandé votre adresse n'a rien à voir dans tout cela, dit M. Paulet. Mes affaires ne l'intéresseraient pas, et je ne m'aviserais pas de les lui confier. Je le crois, répliqua le sieur Blanchelaine, mais je voudrais une certitude. Vous n'allez pas, je pense, exiger que je prenne sur papier timbré l'engagement de garder le silence. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que votre parole d'honneur me suffirait. « Eh bien, je vous la donne. Je la reçois et j'y compte. Oserais-je vous prier maintenant de m'apprendre le nom de votre ami, celui qui désire savoir où je demeure ?»« À quoi bon? Vous ne le connaissez pas. Mais je serais charmé de faire sa connaissance. Sans doute il a besoin de mes services et je vis de mon état. C'est pourquoi je tiens à augmenter ma clientèle. » »« Cela se conçoit et je vous enverrai ce monsieur. Il s'agit de rechercher un débiteur. C'est ma spécialité et je ferai de mon mieux. » Si votre ami veut bien m'employer. C'est un négociant, sans doute. Un homme du monde ne s'adresserait pas à une agence pour entrer dans une créance. Ce n'est pas un négociant, c'est un peintre. Un peintre? Ou alors, je sais qui c'est. Vous étiez avec lui l'autre soir, dans une loge, au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est Paul Freneuse. Ah, murmura M. Paulet, assez étonné. Est-ce que vous êtes en relation avec lui? En relation, non. Mais on me l'a montré, et je le rencontre souvent dans la rue ou au spectacle. C'est une figure qu'on n'oublie pas quand on l'a vue, une figure essentiellement parisienne. Il a beaucoup de talent, et autant de réputation que de talent. Alors il est inutile que je vous le recommande. Tout à fait inutile. Je me mettrais volontiers à sa disposition si mes services pouvaient lui être utiles. Mais je vous serais particulièrement obligé de ne pas me l'envoyer. Pourquoi? Parce que je crois qu'il ait sérieusement l'intention de recourir à moi. Un artiste créancier, c'est rare. Mais un artiste qui poursuit un débiteur, ça ne s'est jamais vu. Cette idée a pu venir de l'esprit de Freneuse, mais je parierais bien qu'il n'y a pas persisté. Ou si par hasard il l'a encore, il est probable qu'il en changera. Et comme je n'ai pas de temps à perdre, je préfère ne pas me mêler d'une affaire qu'il me faudrait peut-être laisser là un beau matin. Je vous prie donc, s'il insistait pour avoir mon adresse, de lui dire que vous l'avez oubliée. Soit, je vous promets de ne pas la lui donner. Mais vous avez bien fait de m'avertir. Car je ne la lui aurais pas cachée, et il est probable que je le verrai très prochainement. Mais revenons à des choses plus importantes. Quand m'apporterez-vous l'acte de décès de la fille Astrodi? Demain ou après-demain ou plus tard, si vous me signez aujourd'hui l'engagement qui garantira mon droit à un courtage. Et comme il vit que M. Paulet ne se pressait pas de prendre la plume pour se lier, Blanchelaine ajouta. Que craignez-vous? La rédaction que je vous ai proposée ne laisse de place à aucune équivoque. Vous ne me rétribuerez qu'après avoir touché. Entre nous, pas de malentendu possible. Pas de difficulté non plus. Nous avons des intérêts communs, et nous les réglerons bien facilement lorsque notre but sera atteint. Et cet heureux moment ne tardera guère. D'ici à 2 jours, vous serez en mesure d'établir que la légataire de M. Francis Boyer n'était plus de ce monde quand il l'a instituée. Et avant 1 mois, vous entrerez en possession de votre part d'héritage. Cette agréable perspective montrait si à propos, décida M. Paulet. Il s'assit devant son bureau, ouvrit un tiroir, y prit une feuille de papier marquée par le fisc et libella de sa plus belle écriture une promesse rédigée dans les termes indiqués par le sieur Blanchelaine, qui la lut attentivement et la serra dans son portefeuille avec une évidente satisfaction. « Maintenant, monsieur, dit ce marchand de succession, c'est comme si vous aviez 500 000 de plus, et moi 100 000 francs, qui compteront dans ma modeste fortune, beaucoup plus que 500 000 ou 600 000 dans la vôtre. Il ne me reste qu'à prendre congé de vous et à vous prier de donner des ordres pour que vos domestiques me reçoivent lorsque je me présenterai. J'espère pouvoir vous remettre l'acte de décès après-demain matin avant midi. Ce sera ensuite à vous de faire le reste. Très bien, je vous attendrai, murmura M. Paulet. Il reconduisit le négociateur qui sortit sans ajouter un mot, et il revenait tout pensif vers son bureau lorsqu'un léger bruit lui fit relever la tête. Sa fille Marguerite venait d'entrebâiller une porte qui communiquait avec le salon, et se tenait sur le seuil du cabinet. « Peut-on entrer ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui, puisque je suis seul, » répondit M. Paulet. « Depuis 10 secondes seulement, j'ai cru que ce monsieur ne s'en irait jamais. »« Tu savais donc que j'étais avec quelqu'un ?»« Je venais vous voir, et au moment où j'allais entrer, j'ai entendu 2 voix. Alors j'ai attendu. J'espère du moins que tu n'as pas écouté à la porte. »« Pas précisément, mais j'ai l'oreille fine, et vous parliez très haut. » Et tu as compris de quoi il était question entre nous? Pas beaucoup. J'ai saisi au vol un nom. Quel nom? Celui de M. Paul Freneuse, et j'en ai été toute surprise. Qu'est-ce que ce monsieur vous disait donc de lui? Tu es bien curieuse. Mais non, pas trop. Je suis sûr que ce n'était pas un secret. Tu te trompes. Je m'entretenais d'affaires qui ne te regardent pas. Vous avez donc des affaires avec M. Freneuse? Marguerite, tu m'ennuies. Dis-moi ce que tu veux me dire, et laisse-moi. « Je veux vous demander si la réclusion que vous m'imposez depuis 4 jours ne prendra pas bientôt fin. »« Comment, la réclusion? Est-ce que j'ai fait cadenasser ton appartement? N'es-tu pas libre de tes actions, comme tu l'as toujours été ?»« Mon Dieu, je sais bien que je ne suis pas aux arrêts, comme un sous-lieutenant qui a manqué à la discipline. »« Je puis aller et venir d'un bout à l'autre de l'appartement. »« Rien ne m'empêche de me mettre à la fenêtre et de voir passer les gens dans la rue de la ferme des Mathurins, où ils ne postent personne. » Et si ce spectacle récréatif ne suffit pas à me distraire, il ne tiendrait qu'à moi de sortir avec Miss Betsy, ma gouvernante, qui me mènerait promener aux Champs-Élysées et manger des gâteaux à la pâtisserie anglaise de la rue de Rivoli. « Que te faut-il donc de plus ?» dit M. Paulet en haussant les épaules. « T'imagines-tu que je vais donner des dîners ou te conduire au théâtre, alors que nous sommes en grand deuil, et un deuil tout récent? Mon frère vient de mourir, tu le sais bien. » Il est mort à 200 lieues d'ici, et je ne l'ai jamais vu. Vous n'exigerez pas que je me désole, et vous aurez raison, car il m'est impossible de feindre un sentiment que je n'éprouve pas. Je comprends cela, et moi-même je ne me crois pas obligé de pleurer ce malheureux Francis, qui ne m'a pas donné signe de vie depuis des années, et qui a fait de son mieux pour me déshériter. Mais il y a des convenances sociales, auxquelles nul ne peut se soustraire. Si je n'en tenais pas compte, chacun me jetterait la pierre. « Oh, je ne vous demande pas d'aller dans le monde. Je me suis même conformé à l'usage. Vous voyez que je suis habillé de noir des pieds à la tête, et en laine, s'il vous plaît. Mais il est avec la coutume des accommodements. Je ne crois pas qu'il vous soit interdit d'aller voir nos amis. »« Non, sans doute, seulement, je ne savais pas que mes amis fussent capables de t'amuser. Il est certain que vous en avez beaucoup qui ne m'amusent pas du tout. Mais il me semblait que l'autre soir, à la porte de Saint-Martin, vous aviez promis à M. Paul Freneuse de visiter son atelier. Ah ah, c'est donc là que tu voulais en venir, petite rusée? Tu aurais beaucoup mieux fait de me dire franchement que tu en grillais d'envie. Alors, vous n'y voyez pas d'inconvénient? D'inconvénient, non, pas précisément. Ce jeune homme est fort bien, et il n'a pas les défauts des artistes. S'il les avait, je ne le recevrais pas chez moi. Et puisque je lui ai dit que nous irions le voir, nous irons, un de ces jours. Pourquoi pas tout de suite? Parce que j'attends d'un moment à l'autre le notaire qui a revu le testament de mon frère. « Quoi, ce notaire vient à Paris? Je croyais que M. Boyer vous avait déshérité. » »« Il en a eu l'intention, mais il est survenu un événement qui... »« Ce serait beaucoup trop long à t'expliquer, et d'ailleurs tu n'entends rien aux affaires. »« Contente-toi de savoir que tout va bien. Je te laisserai une jolie fortune, et tu ne perdras pas, comme je le craignais, celle de ton oncle. Tu seras plus riche que je ne l'espérais, ma petite Marguerite, » conclut M. Paulet en se frottant les mains. « Tant mieux, je pourrai me marier à ma fantaisie, » s'écria la jeune fille. « J'aurai de l'argent pour deux. »« Bon, je comprends. Cela signifie, n'est-ce pas, que tu t'es mis en tête d'épouser Paul Freneuse. » Marguerite rougit un peu, mais elle ne se déconcerta point. « Eh bien, quand cela serait, » dit-elle, « vous ne m'avez pas défendu de penser à M. Freneuse. »« Assurément non, » répondit M. Paulet. « Tu pourrais même ajouter qu'en accueillant ce jeune homme, comme je l'ai accueilli, je t'ai laissé entendre qu'il ne me déplairait pas de lui accorder ta main, s'il me l'a demandé. »« Il vous la demandera, mon père. » « Comment es-tu si bien informé de ses intentions ?»« Ah, j'y suis. L'autre soir au théâtre, je vous ai laissé en tête-à-tête un instant, et il a profité de mon absence pour se déclarer. Il aurait beaucoup mieux fait de s'adresser à moi d'abord. C'est la règle en pareil cas. Je sais bien que les artistes croient autorisés à ne pas agir comme les autres. Mais mon père, je vous assure que M. Freneuse ne m'a pas fait la moindre déclaration. Alors d'où vient que tu connais ses projets ? Je ne serais pas femme si je ne les avais pas devinés. » Et tu l'as encouragé à y donner suite. Encouragé, non, c'eût été trop. Mais je ne l'ai pas découragé. Alors tu l'aimes? Il me plaît beaucoup, murmura Marguerite en baissant les yeux. Ce n'est pas répondre, dit M. Paulet, qui n'aimait pas les équivoques. Vous êtes étonnantes, vous autres jeunes filles. Dès qu'on vous parle mariage, vous vous croyez obligées de prendre un dernier, et l'on ne peut plus tirer de vous une parole sensée. Voyons, explique-toi clairement. Aimes-tu ou n'aimes-tu pas Freneuse ? Voulez-vous la vraie vérité ? Demanda Marguerite, après avoir un peu hésité. Parbleu, à qui la dirais-tu si tu ne la disais pas à ton père ? Eh bien, je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Voilà du nouveau, par exemple. Tu te moques de moi, je pense. Il est impossible que tu ne sois pas fixé sur tes propres sentiments. C'est peut-être bizarre, mais c'est ainsi. Vous me demandez si je l'aime. Il faudrait d'abord m'expliquer ce que vous entendez par le mot « aimer ». Ah, si tu crois que je vais te faire un cours sur ces matières-là. Enfin, épouseras-tu volontiers Paul Freneuse ? Oui, très volontiers. Et de tous les hommes que vous m'avez présentés, c'est le seul que j'accepterai pour mari. À la bonne heure, c'est net, s'écria en riant M. Paulet. Ce n'était pas la peine de faire tant de façons pour m'ouvrir ton cœur. Tu as choisi ce jeune homme sans me consulter, mais je ne te blâme pas de l'avoir choisi. Je l'ai étudié depuis que je le reçois. Je me suis renseigné sur lui, et maintenant que je le connais bien, je crois qu'il pourrait te convenir. Il n'a pas de fortune, son père ne lui a rien laissé, mais il gagne beaucoup d'argent. Et je sais qu'il a le bon esprit de ne pas dépenser tout ce qu'il gagne. Pour un garçon, c'est très beau d'économiser. C'est une garantie de sagesse. Et quand on se conduit comme il le fait, on est tout préparé pour se mettre en ménage. Je suis persuadé qu'il te rendrait heureuse. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, dit tout bas Marguerite. Pas toujours, mais il y contribue fortement, répliqua le père, qui était un homme pratique. Du reste, sur ce point, la question est tranchée. Avec ta dot et le revenu que se fait Paul Freneuse en vendant ses tableaux, vous seriez bien assez riche. Son physique doit te plaire, car il est très joli garçon. Il a de l'esprit et de bonnes manières. Reste à savoir si son caractère te convient. Comment voulez-vous que je le sache ? Je ne connais pas plus son caractère qu'il ne connaît le mien. Vous vous êtes cependant rencontrés assez souvent. Dans le monde, oui, mais ce n'est pas là qu'on montre ses défauts. Non, sans doute. Et cependant, les mariages ne se font pas autrement. À moins de se prendre à l'essai, ce qui est impraticable, il faut bien se rapporter un peu aux apparences. Moi qui te parle, j'ai épousé ta mère de confiance, et je ne m'en suis pas plus mal trouvé. Je ne l'avais pas vue 10 fois en tout avant la noce, tandis que toi... Moi je suis plus exigeante, je voudrais connaître mon mari à fond, entrer dans sa vie. Diable, si tu crois que c'est facile, il y a un moyen très simple. Indique-le-moi, tu me feras plaisir. Vous avez donc oublié que M. Freneuse m'a offert de faire mon portrait ? Non, mais je ne vois pas. Un portrait ne se fait pas en un jour. Il faut beaucoup de séances. Eh bien, si j'allais poser dans son atelier, je saurais bien ce qui s'y passe. Mais je suppose que dans l'atelier de Paul Freneuse, il ne se passe rien que de très convenable. Si je pensais le contraire, je fermerais ma porte à ce jeune homme. Est-ce que tu aurais appris qu'il y mène une vie désordonnée ? Non, mais je sais qu'il y reçoit des modèles. Naturellement. Il paraît que pour peindre, on ne peut pas s'en passer. En ce moment, par exemple, il achève un tableau qui représente une jeune fille. Qui garde les chèvres ? Il a choisi là un drôle de sujet. Pourquoi pas une gardeuse d'oie pendant qu'il y était ? Ces artistes ont des idées bizarres. Mais qu'est-ce que ça te fait ? Il paraît que l'italienne qui pose pour cette figure est d'une beauté merveilleuse. Monsieur Freneuse m'a parlé d'elle avec admiration, avec enthousiasme. Bon, vas-tu pas t'imaginer qu'il est amoureux de cette créature ? Je ne dis pas cela, mais je serais curieuse de la voir. Pardon, mais tu ne songes pas, j'espère, à faire sa connaissance. Ces donzelles qui arrivent à Paris pour se louer dans les ateliers sont des personnes fort peu recommandables, et j'aime à croire que si Freneuse entreprenait ton portrait, il s'arrangerait pour que tu ne rencontrasses pas chez lui sa chèvrière. Je le crois comme vous, mon père, mais cela ne prouverait rien, au contraire. Ah, ça, tu es donc jalouse ? Je ne te connaissais pas ce défaut-là. C'est que, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de le montrer. Tous les hommes m'étaient indifférents. Et maintenant, ce n'est plus la même chose. Il y en a un qui t'occupe. Je n'y trouve pas à redire, puisque je pense à faire de lui mon gendre. Mais en vérité, la jalousie te vient un peu tôt. Attends donc au moins que tu sois marié. L'un n'empêche pas l'autre, répliqua en souriant Mademoiselle Paulet. Que voulez-vous ? Je suis ainsi faite, et je ne puis pas me changer. Je sais qu'il n'est pas d'usage qu'une jeune fille s'inquiète de la vie que mène avant le mariage celle qu'elle doit épouser. Moi, je veux la connaître, et je soutiens que je n'ai pas tort. En principe, non, mais je serais curieux de savoir comment tout y prendra pour en venir à tes fins. Il faudrait être un petit oiseau pour surveiller un homme sans qu'il s'en aperçoive. Et encore, les petits oiseaux n'entrent pas dans les ateliers des peintres. T'imagines-tu que tu sauras à quoi t'en tenir sur les mœurs de Freneuse lorsque je t'aurai conduite chez lui ? Peut-être, j'ai de bons yeux, et je verrai bien des choses qui vous échapperaient. Ainsi, par exemple, si nous y rencontrons l'Italienne, je saurai tout de suite s'il ne l'apprécie que comme modèle. J'en répondrai, moi, ces coureuses en jupon rouge ne peuvent pas séduire un garçon qui a du goût, et les artistes s'y laissent prendre moins encore que les simples bourgeois. Ils en ont en vue, c'est arrivé pourtant. Ne m'avez-vous pas dit que mon oncle... Ton oncle ne faisait rien comme les autres. Je voudrais être sûr que M. Freneuse ne fera pas comme lui. Et pour m'en assurer, il faut d'abord que je sache si la chevrière des Abruzzes est aussi belle qu'il le dit. Bon, mais il se gardera bien de l'appeler quand nous irons le voir. Et il aura raison. C'est précisément pour cela que je voudrais le surprendre. Il sait que vous venez de perdre votre frère. Il pense que vous devez être absorbé par des affaires de succession. Et il ne s'attend pas à notre visite. Aujourd'hui, il fait un temps superbe. Le jour est excellent pour peindre, et il n'a garde de perdre une si bonne occasion d'avancer son tableau, car il est en retard, et le salon ouvre le 1er mai. Je suis certaine que son modèle est là, et c'est l'heure de la séance, de sorte que si vous vouliez, nous irions faire un tour de promenade qui nous conduirait comme par hasard à la place Pigalle. Et nous monterions frapper sans façon à la porte de son atelier. Il me semble que ce serait une démarche un peu bien risquée. D'abord, il pourrait ne pas nous ouvrir, et il serait dans son droit, car nous ne l'avons pas prévenu. J'ai entendu dire, d'ailleurs, que les artistes n'ouvrent jamais quand ils ont un modèle, de peur de déranger la pose. Quand nous serons à la porte, je vous parlerai très haut. Il reconnaîtra ma voix, et il daignera bien quitter ses pinceaux pour nous recevoir. S'il nous laissait dehors, je ne lui pardonnerai pas ce procédé. C'est convenu, n'est-ce pas, mon cher père ? Vous voyez que je suis prête à sortir. Je n'ai que mon chapeau à mettre et mon manteau. Vous aussi. Et vous n'avez pas mis les pieds dans la rue depuis 3 jours. Le grand air vous fera du bien. Ta ta ta, dit M. Poulet. Et le notaire de province que j'attends d'une minute à l'autre ? Le notaire, répéta dédaigneusement Marguerite. Mais oui, dit M. Poulet. Il doit m'apporter une copie du testament de mon frère. Et tu comprends qu'il me tarde de le voir. Les télégrammes qu'il m'a adressés sont trop laconiques. Il s'est amusé à les rédiger en petit nègre pour économiser des mots. Ces provinciaux sont bêtes. Il me semble que s'il était à Paris, aujourd'hui, il serait déjà venu. Les trains n'arrivent que le matin et le soir, et ce notaire n'étant pas arrivé ce matin, n'arrivera pas dans la journée. Les trains express, mais je le soupçonne d'avoir pris un train omnibus, toujours par économie. Là-bas, ils ne connaissent pas la maxime britannique, le temps c'est de l'argent. Comment prononces-tu ça en anglais ? Time is money, mon père. Et pour mettre la maxime en pratique, je vais aller finir de m'habiller. Si ce monsieur débarquait ici, pendant que vous serez sorti, votre valet de chambre reviendrait vous chercher. Vous n'avez qu'à lui donner vos instructions et l'adresse de M. Freneuse. C'est une idée. Grâce à cet arrangement, je crois que je puis sans inconvénient m'absenter 1 heure. Et même 2, dit tout bas Mademoiselle Poulet, qui comptait bien faire durer la visite de l'atelier. Mais, reprit son père, quel prétexte allons-nous prendre pour tomber chez Freneuse sans crier gare ? D'abord, nous n'aurions pas besoin de prétexte. Il nous a invités plusieurs fois à aller voir son tableau. D'accord, mais quand on invite les gens, on aime bien à savoir d'avance le jour où ils viendront, afin de se préparer à les recevoir convenablement. Freneuse ne sera pas très content de nous montrer un atelier en désordre, mais puisque je tiens à le surprendre, alors il faudra lui expliquer pourquoi nous arrivons à l'improviste, et comme tu ne peux pas donner la vraie raison, vous lui direz que vous venez pour mon portrait. Il m'a offert de le commencer quand je voudrais. C'est grave, c'est très grave, dit M. Poulet en hochant la tête. En quoi est-ce très grave ? Tu ne réfléchis pas que si j'accepte sa proposition, c'est à peu près comme si je m'engageais à lui accorder ta main. Pourquoi donc ? C'est son état de faire des portraits, puisqu'il est peintre, et il en a déjà fait. J'en ai vu un de lui l'année dernière au salon, un portrait de femme précisément, et c'était un chef-d'œuvre. Il est probable qu'on le lui avait payé, et même payé très cher. Crois-tu qu'il consentirait à être payé pour le tien ? Non, je ne crois pas. Alors, c'est comme si tu recevais de lui un cadeau d'une 10 000 francs. Il vend ses portraits à ce prix-là, je le sais. Or, une jeune fille ne peut décemment accepter de cadeau que de son fiancé. Eh bien, si je n'épousais pas M. Freneuse, vous lui achèteriez mon portrait. Et de cette façon, vous ne seriez pas sans l'obliger. Il refuserait de me le vendre. Tu viens de le dire toi-même. Et ta figure resterait accrochée au mur de son atelier. Ce serait joli. Il ne me ferait pas cet affront, j'en suis sûr. J'espère bien d'ailleurs que je ne verrai chez lui rien qui me décide à ne pas donner suite à un projet. Que tu caresses, avoue-le, et que j'approuve. J'espère, comme toi, qu'il réussira. Cependant, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut tout prévoir. Je prévois tout. mais je tiens à mon épreuve. J'en veux courir la chance. Songe aussi que le moment est très mal choisi pour demander des séances affreuses. S'il entreprend ton portrait, il ne pourra pas achever son tableau pour l'exposition. C'est précisément ce que je souhaite. Parce qu'alors il sera obligé de renvoyer l'italienne, qui lui sert de modèle. En vérité, ma chère Marguerite, je ne te reconnais plus. C'est qu'en effet, je suis très changée, dit résolument Mademoiselle Poulet. Allons, je m'aperçois que tu es folle de ce garçon-là. Si je te contrariais, tu serais capable d'en faire une maladie. Va mettre ton chapeau, pendant que je donnerai mes ordres à François. Marguerite ne se le fit pas dire deux fois. Elle savait bien qu'elle en viendrait à ses fins. Et sa femme de chambre l'attendait pour mettre la dernière main à sa toilette. Son père était accoutumé à lui céder. Et il était de bonne humeur depuis que le sieur Blanchelaine lui avait annoncé la mort de Bianca Astrodi. Aussi avait-il pris son parti de bonne grâce. Il recommanda expressément qu'on fît attendre le notaire si par hasard il se présentait, et convint immédiatement le prévenir de l'arrivée de ce personnage important. 10 minutes après, M. Poulet et sa fille s'acheminaient à pied, bras dessus, vers la place Pigalle.